Wesh le fou. Wesh Rizok. Bien quoi? Bien quoi? Ça taffe le son ou quoi là? Ça taffe ma gueule hein. Ah ça tombe bien, tu sais quoi, j'ai vu Corso là, il aimerait bien qu'on pose une petite punchline là pour sa petite compile là. Vas-y, ça tombe bien, il y a une petite prod qui tourne en halo. Bah on fait quoi? C'est quoi le thème? Ah je sais pas si on va faire un thème hein. Allez, nique sa mère. Freestyle. Fais péter, qu'est-ce le kick, qu'on kick, le track 9-4, c'est l'impact, la spirale en mode esprit vandal, infantable, authentique, y'a panique, on met les cartes sur table, indomptable, acharné, depuis l'époque JSP, premier LP, sorti en mode, c'est système D, forgé au sous-sol, on a l'esprit battle, ma gueule, c'est pour les halls, ceux qui charbonnent, leur pas de mou, les taulards, ceux qui s'accrochent à l'école, décolle dans le bise, monte leur entreprise, tu sais qu'ils nous méprisent, quand on lâche pas prise, tu sais qu'on les méprise. Leur vie c'est leur devise, honneur, unité, famille, voilà des vrais principes de la sup au village. J'ai tout le mental de l'équipe, quartier rouge, rien à voir avec celui d'âme. Y'a pas de but mais y'aura toujours des rimes en kilogrammes. Sur ma cadame, jamais ça se cale, tu sais ce qu'on crame. C'est la guerre, pour un bout de terre, ça sort les armes. Sans foi, ni loi, ça défouraille, dans le viseur, l'objectif, brasser la maille, ma caille. C'est dans l'adversité, refrain, qu'un clan se soude. Il suffit d'un soupçon de trait, pour que ça se dessoude, tantôt je tiens les coudes. On se tire dans les pattes, entre les dents on se gratte les couilles, en matant les rats. Spliff sur spliff, le but il nous consume, sur PES on consomme, en évacuant l'amertume. Nos plumes décrivent l'hostilité du terre-terre, degré numéro 10, sur l'échelle de Richter. On sert de nos nerfs, vénère, écrit en souterrain, on gère, pépère, mais opère, toujours en sous-marin. Frangin, t'as reconnu style, OUF Ressoc, pour SRI Corso, fais péter dans ton bloc.